Luxe et métamorphose. Café-restaurant mythique, le café de Paris-Monte-Carlo est le cœur battant de Monaco, où se croisent célébrités, monégasques et touristes. Son emplacement est unique, juste à côté de la place du Casino et de l'hôtel de Paris-Monte-Carlo. Un carré d'or où les établissements de luxe prospèrent depuis les récentes rénovations d'un ambitieux projet urbanistique. Le One Monte Carlo est l'un des symboles de la métamorphose de Monte Carlo. Ce tout nouveau quartier de la mode offre en effet une expérience de luxe global avec 24 boutiques, dont Chanel, Lanvin, Vuitton, Dior et Prada. Symbole d'une principauté à la pointe du luxe hôtelier, l'hôtel de Paris Monte Carlo est réputé dans le monde entier. Temple de la gastronomie, avec son restaurant le Louis XV, Alain Ducasse et ses 3 étoiles au Michelin, ses suites Princesse Grâce et Prince Régnier, tout simplement hors normes, surplombent la Méditerranée. Des compétitions sportives. Monte Carlo bénéficie de la passion de la famille Régnier pour la compétition de haut niveau. Jack Kelly, père de Grace Kelly, a été champion olympique d'aviron et Albert de Monaco a pris part en bobsleigh à 5 éditions des Jeux olympiques d'hiver. Monte Carlo a aussi son rallye automobile, étape prestigieuse enregistrée au championnat du monde, et son tournoi de tennis professionnel, le Rolex Monte Carlo Masters, inscrit à l'ATP, circuit international de tennis masculin. Enfin, le Jumping International rassemble chaque été les meilleurs cavaliers et chevaux du classement mondial. Avec son climat idyllique, 300 jours d'ensoleillement par an, cette banlieue monégasque est un joyau intemporel. Luxe et grands événements, sportifs ou culturels, font partie intégrante d'un cadre de vie prodigieux.